Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 3 août 2018. Voici les grands titres de cette édition. La coalition Amizero ya Barundi est le grand absent à l'atelier d'échange politique qui se déroule à Kayanza pour préparer les élections de 2020. Pour plus de détails, nous serons en ligne avec notre envoyé spécial dès le début de ce journal. 80 églises fonctionnant en dehors de la loi selon le ministère de l'Intérieur viennent d'être fermées. Un ultimatum de 4 mois a été donné aux autres pour organiser leur culte dans des bâtiments adéquats. Le ministre de l'Intérieur a également déclaré dans une réunion avec les leaders des confessions religieuses que désormais, toutes les églises devront être dirigées par des Burundais vivant au pays. Un nouveau traitement de l'hépatite C a été présenté ce jeudi par un médecin spécialiste qui a déclaré que 8% de Burundais sont porteurs de ce virus. Docteur Reno Banagirabiri tranquillise, la maladie peut guérir si elle est bien soignée. Et le préfet des études et deux enseignants du lycée communal de Kanyamitumba sont aux arrêts depuis hier. Là, nous sommes à Rumonge. Ils sont accusés de falsifier les résultats des élèves. Voilà pour le sommaire. La radio de l'avenir. Rebonjour. Les politiciens burundais soutiennent l'idée d'améliorer la feuille de route des élections de 2015, signée à Kayanza en 2013, pour mieux se préparer à celle de 2020. Ils l'ont dit ce vendredi au cours d'un atelier d'échange organisé par le ministère de l'Intérieur, atelier qui se déroule pour le moment au chef-lieu de la province Kayanza. Deux thèmes sont à l'ordre du jour, à savoir la nécessité d'une feuille de route pour les élections de 2020 et les principes et valeurs démocratiques. Nous sommes en ligne avec Évariste Nzikobanyanga, notre envoyé spécial à Kayanza. Bonjour Évariste. Bonjour Jean Bosco. Qui ont répondu présent à cet atelier, qui n'ont pas marqué leur présence? Oui, Jean Bosco, vous me posez une question de savoir qui ont répondu à cet atelier. Et ce sont tous les partis politiques agréés, mais l'absence de la coalition Amizero ya Barundi se remarquait dans la salle. On a pu voir la présence de Phineas Nigaba, le porte-parole du parti 109 Debout, qui s'oppose déjà à ce qui se déroule à Kayanza. Donc Phineas Nigaba, il est là comme un seul opposant dans cet atelier qui se déroule au chef-lieu de la province Kayanza. Est-ce que tout le monde s'entend sur l'organisation de cet atelier? Non, tout le monde ne s'entend pas. Je commencerai par Phineas Nigaba qui s'insurge contre la façon dont ils ont été invités. Il a haussé le ton dans la salle que l'invitation du Front Debout leur est parvenue dans la soirée de mercredi, et ce que Phineas Nigaba a trouvé anormal. Phineas Nigaba aussi, il est contre le calendrier, l'agenda du jour. Il trouve que dégager une feuille de route pour les élections de 2020 en une seule journée, c'est une chose vraiment impossible. Et comment se déroulent les échanges et quelles sont précisément les interventions de grande envergure qui sont déjà sorties des bouches des participants à cet atelier? Oui, les échanges, maintenant, nous sommes au niveau des échanges. Les échanges ont porté sur cette feuille de route dont je venais de vous parler. Il y a, donc les politiciens soutiennent qu'il y ait cette feuille de route, mais le temps qui est insuffisant risque de bloquer cette feuille de route. Mais on voit que les gens sont sur le terrain, ils sont en train de mettre des avis, des considérations. Ici, je vous dirais, Bosco, que la question des réfugiés burundais a été beaucoup évoquée dans la salle. Surtout, ils ont indiqué que les réfugiés burundais, surtout ceux qui sont réfugiés au Rwanda, sont bloqués par le régime de Kagame, d'où ces politiciens ont demandé aux Nations Unies, ont demandé au HCR de tout faire pour que les réfugiés burundais, tous les réfugiés burundais en général, et ceux trouvant sur le sol rwandais, puissent rentrer avant les élections de 2020. Considération émise par le président le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye. Lui, il a indiqué qu'il ne pourra pas mettre le pied à Arusha lors de la cinquième session sans savoir l'agenda du jour qui sera dégagé par le facilitateur dans le conflit interburundais. Évariste Nzikobanyanga, je rappelle que vous suivez pour nous les échanges politiques qui se déroulent à Kayanza pour préparer les élections de 2020. Merci Évariste, restez là pour nous. Sans doute, nous aurons d'autres détails dans notre édition de la soirée. Je vous l'avais dit également, 80 églises fonctionnant hors normes dans la mairie de Bujumbura ont été fermées ce jeudi par le ministère de l'Intérieur. Dans une réunion avec les leaders des confessions religieuses, Pascal Warandagui a donné un ultimatum de 4 mois aux églises qui n'ont pas de bâtiment adéquat. Il a aussi indiqué que toutes les églises doivent être dirigées par des Burundais résidents au pays. Suivez-le au micro de nos confrères de la Radio-Télévision Nationale de Burundi. Les représentants légaux des confessions religieuses doivent être les Burundais et résider au Burundi. Mais nous trouvons malheureusement aujourd'hui qu'il y a encore des confessions religieuses qui fonctionnent sans agrément. Aucune confession n'est autorisée à fonctionner sans agrément. Il y en a d'autres qui sont agréées, mais qui fonctionnent dans des paillotes couvertes de paille. On est tombé d'accord que dans un délai de 4 mois, toutes ces églises doivent construire les lieux de culte dignes de son nom. On s'est convenu que d'ici 4 mois, on va détruire toutes les paillotes qui font objet de lieux de prière. Nous avons encore une fois rappelé que l'implantation des églises doit rester respecter les distances qui sont dans la loi, c'est-à-dire 500 mètres dans les villes et 1000 mètres à l'intérieur du pays. Bien entendu aussi, nous avons touché du doigt le problème des chambres de prière. Nous avons aussi touché du doigt le problème des églises qui s'implantent en deçà des distances prévues par la loi. Pour tous ces cas, nous avons recommandé que ces choses cessent immédiatement. En ce qui concerne les chambres de prière, la réglementation est claire. Il y a une ordonnance ministérielle qui précise comment ces chambres s'organisent. Les chambres qui ne sont affiliées à aucune confession religieuse sont interdites. Pour les chambres qui sont affiliées à une confession religieuse, la réglementation leur donne le droit de prier jusqu'à 22 heures. Et après 22 heures, plus question d'entendre ici et là des gens qui font un tapage sous prétexte de prier. Nous avons entendu qu'il y a aujourd'hui certains gens qui commencent à faire de fausses prophéties ici et là. Et parmi ces gens, on recense et essentiellement les Rwandais et les Congolais. Nous avons demandé à l'administration d'être vigilante pour que ces gens soient mis hors d'état de nuire. Ces gens qui font ce genre de travail se rendent coupables de l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Plus de 4000 jugements ont été exécutés ces deux derniers mois dans 5 provinces du pays sur 6000 procès. Selon le secrétaire permanent au ministère de la Justice, cette bonne performance par rapport aux années antérieures a été rendue possible grâce à l'appui du PNUD. Arkade Harerimana affirme que cela ramène la bonne cohabitation entre les habitants, même quand ils ont des litiges entre eux. On l'écoute. Il y a effectivement des grands fruits parce que auparavant nous avions 6171 dossiers qui devraient être faits. Maintenant, après cette période, nous avons constaté que 4114 dossiers ont été déjà faits. Donc vous comprenez qu'il y a un rendement satisfaisant, donc qui donne un espoir que ce projet va être réalisé totalement. Donc ce sont ces fruits-là qui vont, n'est-ce pas, apporter la paix dans la communauté, parce que comme vous le savez, les jugements rendus qui ne sont pas exécutés laissent persister les conflits dans la communauté. Donc si ces jugements sont exécutés, ça veut dire que il y aura la paix dans la communauté, c'est ça notre objectif. Une autre chose que je peux signaler, c'est que lorsque le tribunal se déplace vers le lieu où se trouve l'objet du litige, ça veut dire que ce tribunal aura l'occasion de rencontrer les témoins qui sont sur place, et comme ça la décision qui va intervenir va être une décision correcte, une décision qui tranche définitivement le conflit. Arkade Harerimana, secrétaire permanent au ministère de la Justice. Sachez que ces provinces sont Cibitoke, Bubanza, Karusi, Ruyigi et Cyanhuzo. Le nombre de Burundais porteurs du virus de l'hépatite C est évalué à 8% de toute la population. Ce chiffre a été donné ce jeudi par Dr Renovan Hagilabiri. Il est hépatologue. Il l'a dit au cours d'une réunion de présentation du nouveau traitement de l'hépatite C. Il explique que ce virus se transmet par le contact avec le sang contaminé, mais qu'il est guérissable une fois bien traité. Dr Renovan Hagilabiri lance un appel à tout Burundais de se faire dépister pour s'enquérir de sa situation. C'est un reportage de Gertrude Mawenayo. L'hépatite C est l'une des hépatites virales qui attaque le foie et entraîne l'inflammation de cette dernière, comme l'indique Dr. Renovan Agilavili, hépatologue. Ce virus se transmet par contact avec le sang contaminé, comme par exemple lors de l'acte sexuel ou pendant l'accouchement. Le virus entraîne une inflammation du foie qui évolue vers la fibrose et la cirrhose ou le cancer. Ce professionnel de santé précise que selon les études faites, la prévalence de cette maladie au Burundi est de 8%. Selon les travaux de recherche, 8% de la population burundaise porte le virus de l'hépatite C. C'est un taux très élevé, donc il faut agir. Au moment où cette maladie n'a pas de vaccin et que son traitement est cher, Dr. Renovan Agilavili appelle tout Burundais à faire un dépistage précoce. Lors d'une réunion organisée ce jeudi dans le but de la présentation d'un nouveau traitement de l'hépatite C, Dr. Renovan Agilavili fait savoir que le Velpanate est désormais le nouveau médicament pour traiter cette maladie et explique que ce médicament agit comme une innovation parce qu'il est beaucoup plus efficace et présente peu d'effets secondaires. Pour l'hépatite C, il y avait des médicaments, mais moins efficaces, très coûteux et qui avaient des effets secondaires énormes. Mais avec 2014, on a découvert des médicaments qui détruisent directement le virus. Et aujourd'hui, on est à un traitement qui agit sur tous les génotypes et qui est efficace. C'est le sofosbuvir combiné avec le velpatasvir, connu et commercialisé pour la première fois ici au Burundi sous le nom de Velpanate. Selon toujours Dr. Renovan Agilavili, l'hépatite C est guérissable par la prise pendant 3 mois du Velpanate, un médicament qui s'achète à 800 000 francs par boîte. Il déplore cependant la cherté de ce médicament et en profite pour lancer un appel au ministère de la Santé publique de s'impliquer dans la subvention de ce médicament pour qu'il soit accessible à la majorité de la population burundaise. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les caféiculteurs burundais demandent avec insistance que le prix du café soit revu à la hausse au moment où il s'achète à 500 francs burundais le kilogramme. Cette demande a été formulée ce jeudi lors de la clôture de la compétition Cup of Excellence remportée par Genko, une usine de production du café de Kibagabaga en province Kayanza. Eli Nibel Nibigira. Ce sont certains des caféiculteurs en réunion avec les acheteurs de ce produit agricole venu de 14 différents pays. Ils disent que même si le café burundais est admiré, qu'il est de bonne qualité, ils ne gagnent pas grand-chose vu les efforts qu'ils fournissent. Cette femme partage les plaintes avec son confrère. Tous demandent que ce prix du café soit revu à la hausse car, poursuivent-ils, il est minime. Même celui qui a représenté les caféiculteurs n'a pas manqué de s'exprimer sur ce bas prix du café que gagnent les caféiculteurs. À côté de cela, certains caféiculteurs se demandent où ils trouveront le marché du café qui leur reste après l'expiration du délai d'achat du café cerise prolongé jusqu'au 5 août courant. Le ministre de l'Environnement, l'Agriculture et de l'Élevage, sur la question qui revient plusieurs fois concernant le prix du café, dit que le coût n'est pas aussi bas par rapport au passé. Le prix du café chez le paysan, c'est n'est pas un prix relativement bas comme on le prétend parce que depuis 2016, nous avons mis le prix à 500 francs au kilo et il y avait des spéculations qui allaient jusqu'à 380, 400 et 430 francs le kilo chez les paysans. Dans cette compétition Cup of Excellence, sur 41 cafés qui avaient pris part, 29 ont été primés et le premier est le café de Kayanza produit par l'usine Grinko. Elinibel Nibigira, un des défis auxquels font face les communes et le suivi par les institutions étatiques, le constat fait par l'organisation Parsem est que, par exemple, deux ministères peuvent avoir les mêmes attributions presque en termes de suivi du développement communal. Faustin Dikoumana, président de cette association, s'exprimait en prélude à la célébration ce samedi de la Journée internationale de la commune. Il souhaite que cette journée soit une occasion de trouver des solutions à ces défis et non de festoyer uniquement. Suivez Faustin Dikoumana. Et comme vous le savez, le premier samedi du mois d'août est dédié à la commémoration de la fête des communes. Et cette mesure a été vraiment une mesure très importante, surtout dans le cadre de la décentralisation du développement local. Et nous avons soutenu cette politique parce que, d'abord, elle permet le renforcement du développement au niveau local et elle permet aussi l'émergence d'une démocratie locale. Mais avoir les défis, les problèmes encore qui hantent son secteur, les résultats restent toujours mitigés. Donc pour Parsem, on ne devrait pas alors se limiter aux simples manifestations folkloriques. Il fallait aussi réserver un cadre, un temps suffisant de débat sur ces défis. D'abord, défis liés à la coordination. Plusieurs comités ministériels techniques qui coordonnent cette politique, donc il y a une dispersion d'efforts. On a deux ministères qui se livrent en combat en permanence au niveau du pilotage de cette politique. Surtout quand il y a des financements. Un cadre juridique lacuné qui devrait soutenir la politique de décentralisation du développement local. On ne peut pas toujours parler des orientations sans les appuyer par un dispositif législatif juridique nécessaire. Faustin Dikoumana, c'est le président de l'organisation Parsem. Également dans l'actualité, le préfet des études et deux enseignants du lycée communal Kanyabitumba en commune Wuyengiro de la province Rumonge sont dans la main du parquet de Rumonge depuis l'après-midi de ce jeudi. Ils sont accusés de falsifier les résultats des élèves afin qu'ils obtiennent leur certificat. Selon l'inspecteur provincial de Rumonge, il demande aux enseignants de respecter la loi. Nous appelons notre correspondant pour plus de détails, Jean-Pierre Misago. Communal Kanyabitumba est accusé d'avoir falsifié sa fiche de points pour un élève et lui a attribué une note supérieure à celle méritée, selon Kriazis Niukuri, inspecteur provincial de l'enseignement fondamental et post-fondamental à Rumonge. Les deux autres enseignants sont accusés de monnayage des points et de harcèlement sexuel, ainsi que la falsification des copies de certains élèves. Selon cette autorité scolaire, les enseignants paraient en effet au stylo bleu les mauvaises réponses pour écrire les bonnes réponses et attribuer sur ces copies présélectionnées des notes arbitraires. Niukuri Kriazis dit que les preuves à toutes ces allégations ont été fournies au parquet de Rumonge pour servir de base d'enquête et demande aux enseignants d'être de bons éducateurs dans ce secteur très important dans la vie nationale. Quant au directeur des écoles, il demande de suivre de près la façon dont les enseignants attribuent les points. Des arrestations interviennent après des plaintes de certains élèves finalistes dans la section normale à cette école que la certification a été caractérisée de plusieurs magouilles et certains ont eu gain de cause selon des sources auprès de l'inspection provinciale de l'enseignement fondamental et post-fondamental de Rumonge. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Le jingle qui annonce le reportage ne vient pas. La Croix-Rouge du Burundi a initié un programme de construction des latrines dans les écoles et ménages dans le but de protéger l'environnement. Alexis Manirakiza, responsable de la communication et de la mobilisation des ressources à la Croix-Rouge, explique que les déchets provenant de ces latrines sont utilisés pour la fumure organique dans l'agriculture. C'est un reportage de Christelle Anizigama. La construction des latrines éco-saines est une approche vulgarisée par la Croix-Rouge du Burundi dans les communautés. Elle permet de séparer les urines et la matière fécale. Alexis Manirakiza, responsable de la communication et de la mobilisation des ressources au sein de la Croix-Rouge, explique que ces latrines ont été construites dans le but de permettre aux écoles et familles d'avoir des latrines hygiéniques ainsi que la fumure organique et fertilisant liquide utilisable dans les champs. La construction des latrines éco-saines, ça produit de la fumure et en même temps ça contribue à l'hygiène parce que un ménage ou alors une infrastructure sociale, j'ai nommé les écoles et centres de santé qui n'ont pas de latrine, ça ne peut pas être une réalité dans cette communauté, dans ce ménage. Les écoles sont peuplées par des enfants. Ce qui nous intéresse par rapport aux écoles, c'est que quand les écoliers rentrent de l'école pour aller à la maison, ils vulgarisent la bonne pratique. Après la séparation des fesses et des les urines, il faudra attendre 6 mois avant de les utiliser comme fumure organique. Mugabarabona Sylvestre, coordinateur du programme Appui au développement rural durable pour la nutrition au sein de la Croix-Rouge, dit que 6 provinces constituent la zone d'intervention de ce programme. Nous sommes dans Bujumbura, Rumonge, Bururi, Mwaro, Gitega et Kirundo. Si on a érigé cette construction, c'est juste pour attendre 6 mois d'utilisation pour la matière fécale et puis après on peut avoir de la fumure pour mettre dans les champs. Tandis que les fertilisants liquides, on recueille les urines dans un bidon et aussitôt que le bidon est rempli, on attend 30 jours et après 30 jours on peut mélanger avec de l'eau et on peut l'utiliser comme fumure. Nous arrivons dans la province de Bujumbura, commune Kabezi, plus précisément à l'école fondamentale située sur la colline Mena, une des provinces où la Croix-Rouge a déjà construit 16 infrastructures d'assainissement de base. Une latrine a été ouverte. À l'intérieur, 2 fosses pour les fesses utilisées en alternance et entre eux, une pour les urines. À la fin, il y a 2 fosses septiques réservées pour le recueil de ces matières. Le directeur de l'Ecofomena, Nyonguru Jean-Marie Vianney, salue cette initiative de la Croix-Rouge. Nous félicitons les activités de la Croix-Rouge parce que l'Ecofomena ne fait pas de latrine propre et solide. Auparavant, le programme alimentaire mondial, PAM, a refusé de nous donner de quoi à manger. Maintenant, avec la construction des latrines, le PAM a accepté de nous donner de quoi à manger parce que les latrines sont déjà là. Les fosses septiques de ces infrastructures sont érigées au niveau superficiel dans le but de protéger la nappe phréatique. Au point de vue de la protection du sol, vous savez que quand on fait une construction, en profondeur, la matière fécale peut contaminer la nappe phréatique. C'est dangereux parce qu'il y a des endroits où la nappe phréatique est superficielle, alors c'est facile de contaminer cette nappe phréatique. Alors la construction permet de construire au niveau superficiel, c'est fermable, ça ne dégage même pas des odeurs. La fumure organique ainsi que les fertilisants liquides produits de cette manière permettront aux ménages de diminuer les dépenses. Mugabarabona Sylvestre indique que ces latrines vont contribuer à la diminution de la défécation dans la nature. Christella Nizigama, c'est sur ce reportage que nous refermons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Toussaint Mitebouti pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana, un bon après-midi.